l'espace de Babel, Gabriel de Sarzin. Parler des questions qui fâchent en islam à propos des femmes n'est pas une provocation, mais une nécessité. Il s'agit de clarifier, de rectifier, mais aussi souvent de dénoncer. Dénoncer ce qu'une culture patriarcale a forgé dans l'esprit des musulmans, la dévalorisation des femmes. C'est du moins ce que propose Asma Lamrabet, une femme médecin essayiste marocaine. Bienvenue à vous. Femmes et islam, les questions qui fâchent. C'est sous cette bannière que nous vous accueillons aujourd'hui dans Babel et nous le faisons dans la foulée d'une conférence internationale qui s'est tenue récemment à Lyon, une conférence qui s'est intitulée « Femmes, liberté et droit en islam », conférence qui s'est tenue sur 2 jours et qui a été organisée conjointement par le laboratoire Triangle ENS à Lyon et la fondation Mon Pèlerin de Genève. À cette occasion, plusieurs femmes érudites qui ont travaillé leurs textes, leurs traditions, ont pris la parole et elles ont rendu compte de leurs différents travaux. Je pense par exemple à Mouna Hachim, une historienne et écrivaine marocaine qui a travaillé sur les grandes figures féminines de l'islam, ou encore à Shala Shafik, une femme franco-iranienne qui a rédigé plusieurs ouvrages, dont « Islam, politique, sexe et genre » ou encore « Le rendez-vous iranien » de Simone de Beauvoir. Bref, des femmes passionnantes avec lesquelles j'ai pu échanger, notamment à la pause de midi, et j'ai pu prendre un moment avec Asma Lamrabet, qui a notamment publié l'année dernière ce livre au titre évocateur « Islam et femmes, les questions qui fâchent », un ouvrage édité aux éditions Gallimard Folio. Elle y parle de voile, de polygamie, d'inégalité dans l'héritage. Elle dresse en fait l'inventaire des discriminations imposées aux femmes au nom de l'islam et elle les dénonce bien évidemment. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'entrer tout de suite dans cet entretien par un extrait de ce dernier ouvrage, un extrait lu par notre collègue Dominique Chauffa. Parler des questions qui fâchent en islam à propos des femmes n'est pas une provocation, mais une nécessité. Il ne s'agit pas de fâcher, mais de clarifier, de rectifier, mais aussi souvent de dénoncer. Clarifier la confusion entre le message spirituel du texte sacré et l'orthodoxie interprétative institutionnalisée. Rectifier le grand nombre de préjugés sexistes et parfois diffamatoires transcrits dans la tradition musulmane au nom des préceptes divins. Et puis de dénoncer ce qu'une culture patriarcale a forgé dans l'esprit des musulmans, la dévalorisation des femmes. L'instrumentalisation au nom du religieux de la raison d'être du féminin en islam continue de faire des dégâts aujourd'hui plus qu'hier. Le recours aux religieux dans nos sociétés arabo-musulmanes se cristallise principalement autour des femmes. Constamment sollicitées pour préserver le socle d'une identité musulmane supposée éternellement menacée, elles en sont devenues par la force des choses le maillon faible. Il faut dénoncer cette dévalorisation des femmes qui a été forgée dans l'esprit des musulmans. C'est donc ce qu'a écrit Asma Lamrabet. J'ai ainsi commencé par lui demander si, selon elle, on assistait aujourd'hui à une émancipation ou à une nouvelle émancipation de la femme musulmane. Asma Lamrabet. Alors je dirais oui et non. Je dirais oui et non parce que, en fait, nous évoluons dans des sociétés que j'appelle un petit peu schizophréniques, où il y a beaucoup de contradictions. Mais en même temps, comme il y a des mouvements, c'est-à-dire des métamorphoses sociétales qui sont en profondeur et qui sont vraiment flagrantes, et il y a une réalité qui change par le fait des choses, on voit des ruptures par rapport à la tradition qui se passe. Mais des ruptures et des décalages qui sont pas encore très bien assumés. Alors je vais m'expliquer, par exemple, en 2004, le Maroc a réformé son code de la famille. C'est quelque chose de très avant-gardiste avec celui de la Tunisie. Et donc, il a proposé des avancées qui sont très, très intéressantes, comme par exemple la responsabilité commune des deux époux pour le foyer conjugal, alors qu'avant, pendant des siècles, et même dans beaucoup d'autres pays musulmans aujourd'hui, vous avez le mari qui est le chef de la famille, etc. Vous avez le divorce qui est devenu égalitaire, donc vraiment, et devant le juge, et c'est une avancée extraordinaire. Vous avez la tutelle juridique qui a été abolie, enfin, qui est devenue optionnelle, et donc, franchement, il y a des avancées très intéressantes, mais leur mise en pratique sur la réalité sociale est encore très difficile. Elle est limitée et elle montre que on a fait une impasse sur quelque chose de très importante qui est la réforme de l'éducation et du religieux. Et tant qu'on n'a pas fait ça, je pense que les lois sont insuffisantes. Les lois sont très importantes, mais elles doivent être en parallèle accompagnées par des réformes profondes. Et la première réforme, c'est d'éduquer à l'égalité. Éduquer à l'émancipation, à la liberté, à la dignité des êtres humains, c'est commencer très tôt et très jeune. Et comme la religion est un socle qui est très important, un référentiel très important, on peut, grâce à la lecture réformiste, proposer une lecture donc éthique, égalitaire, et démontrer, c'est-à-dire éduquer les enfants à une chose très importante qui se passe aujourd'hui et qui montre les contradictions qu'on a. C'est que quand vous parlez aujourd'hui aux jeunes, hommes et femmes, de toutes les classes sociales, et vous leur parlez de valeurs universelles, pour eux, ce sont des valeurs occidentales. Ce n'est pas des valeurs islamiques. Et donc, on dit oui, alors vous avez les jeunes qui sont déchirés, surtout les femmes, déchirés dans leur identité entre la modernité et la tradition. Alors oui, j'aimerais bien être moderne, mais en même temps, je suis culpabilisée parce qu'on me dit qu'être moderne, c'est pas être musulmane. Alors voilà, donc c'est pour ça qu'il faut essayer de déconstruire tous ces stéréotypes qu'on a et de montrer que, en fait, c'est pas le religieux, en fait, c'est pas la spiritualité, l'éthique musulmane qui pose problème, mais qu'est-ce qu'on a fait de ce religieux pendant des siècles et des siècles de compilations politisées qui ont donné un code juridique complètement patriarcale, et tout le monde pense que c'est ça la religion. Et donc, il faut commencer par le commencement, éduquer ses enfants et leur dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les valeurs éthiques de l'islam, où on parle d'égalité aussi et d'émancipation, de libération, on peut le faire, et les latitudes qu'offrent les textes, et puis aussi ces valeurs universelles qui ne sont pas occidentalisées, elles sont universelles, elles sont le patrimoine de l'humanité, et même si elles étaient occidentales, moi, ça me dérange pas. Le fait que si elles défendent la justice, la dignité, l'émancipation, elles sont miennes aussi en tant qu'être humain, appartenant à cette humanité commune. Donc, je pense que c'est une question de réforme de l'éducation, une réforme de l'approche du religieux qui est très importante et qui va faire que ces enfants-là vont être éduqués à cette compatibilité et ne vont plus avoir cette schizophrénie qu'ils ont aujourd'hui et qu'on retrouve aussi bien dans les sociétés musulmanes que dans les communautés musulmanes qui, et moi je le vois, je voyage beaucoup et je rencontre beaucoup de femmes déchirées dans leur identité. Et je leur dis, vous avez la chance de vivre quand même dans des espaces démocratiques, des espaces laïques où bien sûr, en excluant certaines exceptions où la laïcité est complètement fermée, mais vous avez des espaces où on protège votre religion et vos droits religieux. Donc, émancipez-vous, libérez-vous et n'ayez pas crainte, c'est-à-dire de vivre les deux d'une façon complètement compatible et complètement épanouie. Oui, Asma Lamrabet, je voulais justement parler de ce déchirement qui concerne beaucoup de femmes musulmanes qui sont installées dans nos pays occidentaux. Oui, et je le vois constamment parce que je reçois aussi beaucoup de mails par rapport à ça et c'est des questionnements. Et justement, cette troisième voie, cette démarche de déconstruire justement toutes ces interprétations sexistes leur fait du bien. Quand on leur annonce que c'est pas dans leur message spirituel, c'est pas leur référentiel qui est religieux ou spirituel qui est en cause, mais c'est l'interprétation patriarcale. Vous avez une conscience féministe qui naît, vous avez un déclic, et ces femmes-là prennent conscience, voilà, de leur féminité, de leur liberté, de leur émancipation, et commencent à hausser donc la voix. Et moi, je le vois aussi bien donc dans nos sociétés, avec les étudiants que je vois souvent dans les universités, que dans les communautés musulmanes, où c'est un peu plus problématique, parce que vivant un petit peu, quand même, il faut le dire, il y a du racisme, il y a de l'islamophobie, donc on s'enferme dans des identités. Et puis, on a l'impression que les femmes, qui sont toujours les boucs émissaires et les victimes de toutes ces identités fermées, elles doivent être représentatives de cet islam-là dans les communautés, et on leur fait porter cette responsabilité. Je donne l'exemple du voile, par exemple, qui n'est pas une obligation dans les lectures réformistes, c'est une recommandation, ou même pas, c'est quelque chose qui a été repris par l'islam politique et qui a été instrumentalisé par l'islam politique, par les traditionalistes, et on s'est focalisé sur ça dans la lecture patriarcale, justement pour montrer que l'islam identitaire doit être visible à travers ça. Et là, il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance parce que c'est des femmes qui ont cette vulnérabilité de la foi qui fait que on dit c'est quelque chose de sacré, c'est une obligation coranique, donc elles vont le faire même à l'insu de leur propre émancipation, de leur propre liberté de choix. Donc moi je suis très critique par rapport au double discours qu'il y a, aussi bien à l'interdiction par exemple du voile qui est une logique totalitaire qu'à son imposition. Donc il faut que ces femmes-là arrivent à un niveau de compréhension et de conviction que tout d'abord, comme c'est pas une obligation coranique, personne n'a le droit de leur dicter leur façon d'être, leur façon de s'habiller, et que ne pas mettre le voile ou le mettre, c'est pas un ajout dans leur foi, ni une diminution de leur appartenance justement à cette communauté musulmane ou à l'islam en tant qu'identité ou en tant que spiritualité. Donc voilà, c'est assez complexe quand même comme sujet, mais il n'y a pas d'autre chemin que celui de se libérer soi-même. Et ça, j'ai l'impression que les femmes, et aussi les hommes musulmans, surtout dans les communautés très fermées, n'ont plus l'usage de la raison critique, n'ont plus l'usage de cette liberté donc de conscience qui fait que, parce qu'ils sont entre l'enclume, je vais dire le marteau et l'enclume, entre un certain racisme et une islamophobie, et entre, attention, il ne faut pas trahir la communauté musulmane, il y a beaucoup de souffrance entre les deux. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre ce qui se passe et ne pas juger justement, ne pas juger ces femmes et ces hommes qui sont perdus. La plupart des fois, ils sont perdus. Alors, malgré tout, et c'est ce que je répète souvent, malgré l'islamophobie, malgré le racisme, moi j'estime qu'il faut balayer devant sa porte. Et balayer devant sa porte, c'est faire son autocritique. Et aujourd'hui, l'islam, aussi bien dans les communautés musulmanes qu'au sein des sociétés majoritairement musulmanes, il faut que l'islam fasse son autocritique. C'est-à-dire que les musulmans fassent leur autocritique. Et si je vous comprends bien, il y a un peu deux mouvements qui se côtoient ou qui sont juxtaposés actuellement. Il y a l'émancipation des femmes, mais à côté, il y a un espèce de resserrement politico-religieux. Oui, il y a un discours qu'on appelle juridico-politico-théologique, si on veut, et qui utilise l'argumentaire religieux, en fait, pour asseoir son pouvoir politique. Et donc, qui fait des femmes un emblème, un étendard très important, parce que, vous savez, il y a des femmes qui sont beaucoup plus royalistes que le roi et qui vont transmettre le patriarcat elles-mêmes, à travers l'éducation, à travers l'enseignement, etc. Et donc, oui, il y a cette dualité entre émancipation et traditionnalisme, mais moi, je pense que on peut être émancipé tout en restant attaché à sa tradition, mais dans sa partie positive, dans sa partie éthique, libératrice, parce qu'elle existe, et ne pas rester dans le système archaïque de la tradition, parce qu'il y a pas, la tradition ne peut pas être totalement négative. Chaque pays, chaque société a ses traditions. Nous les avons, nous aussi. La tradition musulmane est riche, elle est diversifiée. Mais sur ce côté-là des femmes, il faut faire un travail. Il faut faire un travail de déconstruction, de relecture, et il ne faut pas avoir peur de le faire et de se dire aussi émancipée et musulmane. Donc je pense que la lutte qui doit se faire, elle ne doit pas se faire contre la tradition, ni contre un Occident abstrait, etc., comme on veut aujourd'hui nous le montrer, mais bien au contraire, c'est essayer de se frayer, comme je le dis souvent, ce troisième chemin où un islam épanoui, une tradition épanouie, avec aussi une modernité épanouie, peuvent vivre ensemble. Asma Lamrabet, à l'instant, l'une des oratrices au colloque international qui s'est récemment tenu à Lyon sous le titre « Femmes, liberté et droit en islam », colloque qui a réuni un public large, un public d'étudiants, d'étudiantes, et dans les derniers rangs, au fond de la salle, cette femme politique à laquelle j'ai tendu mon micro et qui a épinglé ce qu'elle nomme un problème d'éducation dans les communautés musulmanes aujourd'hui en France. Je m'appelle Fatia Benhamed, je suis élue à Lyon, dans le 9e arrondissement de Lyon. Je suis par ailleurs étudiante en Master 2 Sciences des Religions. Ces dernières années, je me suis rendu compte qu'il y avait une mutation dans différents quartiers et j'ai pas vu venir cela. Et je recherche des réponses à ce qui aurait pu se passer. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Une mutation visible de la communauté musulmane en rapport avec l'islam. Que se passe-t-il chez nos femmes? Que se passe-t-il dans notre société masculine issue de l'immigration et musulmane? Que s'est-il passé pour que des mutations reviennent en arrière? Je suis allée la semaine passée à la région Rhône-Alpes, Auvergne, à une conférence sur la laïcité. J'ai rencontré une dame qui était attachée d'un des députés qui m'a dit que sa belle-sœur, qui avait fait les 400 coups alors je ne sais pas ce que ça veut dire les 400 coups, mais qui, comme moi, a dû profiter durant sa jeunesse d'aller dans les restaurants, avoir des copains, sortir sans avoir donné de compte à qui que ce soit, était menacée par son fils et par sa tenue. Donc elle est obligée de porter le voile et par le fait qu'elle soit obligée de faire la prière. Et j'ai dit à cette personne que je connais bien et en qui j'ai complètement confiance, je lui dis « Mais c'est elle qui l'a mis au monde ou c'est lui qui l'a mis au monde ?» Je dis « Quel âge il a ? 30 ans ?» Eh ben je dis « Moi, il faut qu'elle le foute dehors et qu'elle vive sa vie, sa fin de vie, tranquillement, puisque c'est une femme qui a mon âge. Parce que c'est pas admissible qu'aujourd'hui, des enfants soumettent leur mère. » Et ça, c'est nouveau ? C'est un mouvement qui s'affirme, selon vous ? Oui. Et je crois qu'il y a un vrai problème d'éducation. C'est les femmes qui éduquent, et leurs filles, et leurs garçons. Donc, quand on éduque son enfant, on veille à cela. Pour sauvegarder ses droits et sa liberté, on éduque pour garder sa liberté. Asma Alamrabet, tout à l'heure j'ai eu la possibilité de rencontrer Fatia Benhamed, une femme politique ici à Lyon, qui était quand même un peu catastrophée de côtoyer dans différentes communautés musulmanes un renforcement de la mise au pas des femmes, en fait. Est-ce que vous observez ça aussi ? Est-ce que vous entendez parler de ça ? Je crois qu'on peut le percevoir, oui. Il y a une véritable souffrance par rapport à ça, mais c'est une souffrance généralisée, parce que derrière la souffrance des femmes, il y a celle des hommes aussi. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une vraie crise identitaire, je crois, qu'on est en train de vivre, que les musulmans sont en train de vivre ici en Europe. Et bien sûr qu'ils sont victimes, je le dis, des discriminations raciales, socio-économiques, précarité, vulnérabilité, qui fait que plus on est dans cette vulnérabilité communautaire, plus c'est les femmes qui payent le prix. Et ça se voit partout, dans toutes les révolutions, dans toutes les sociétés, c'est toujours les femmes qui payent le double prix, le prix donc des retours en arrière. Et je pense qu'elle a raison quand elle dit ça, et il faut pas sous-estimer aussi le fait qu'il y a eu une dynamique religieuse très patriarcale, très extrémiste, qui a eu les moyens de le faire, et que je nomme, qui est le wahhabisme, et qui a eu les moyens de transmettre cet islam un petit peu, vraiment sous sa forme monolithique, vous avez pas de choix, un islam complètement rigoriste, complètement fermé, complètement patriarcal, et qui fait que, je ne généralise pas, mais il y a une partie quand même qui s'est enfermée dans cet islam-là, pensant que c'est l'islam de la vérité, que c'était l'interprétation qui valait, et donc ça se répercute sur la situation des femmes, et les femmes n'ont pas l'argumentaire pour se défendre. Elles n'ont pas l'argumentaire justement, ni théologique, ni féministe, pour essayer de s'en perdre elles-mêmes, leur identité, leur tradition et leur lien avec la famille, avec la communauté, elles n'ont pas de quoi se défendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut encourager toutes ces dynamiques nouvelles qui se passent dans le monde arabo-musulman et même dans le monde, je dirais, anglo-saxon, parce que la grosse problématique, c'est que dans le monde francophone, nous n'avons pas d'études académiques théologiques faites par des femmes. Et franchement, c'est quelque chose qui est très désolant parce que rien ne se passe ainsi dans le monde anglo-saxon. Bien sûr qu'il y a des problèmes et tout ça, mais les femmes musulmanes qui vivent dans les communautés anglo-saxons sont outillées, elles ont fait déjà ce travail-là, et j'ai l'impression que dans les milieux, dans les pays francophones, on a une vraie problématique ainsi, et il n'y a pas de travail fait à ce niveau-là, et je pense que les femmes doivent le faire, elles doivent commencer à travailler, il y a une dynamique maintenant qui existe, je pense qu'on peut utiliser ces outils-là pour lutter contre le patriarcat. C'est un peu dans cette veine-là que vous avez édité l'année dernière « Islam et femmes en question ». Oui, c'est ça. C'est « Islam et femmes, les questions qui fâchent ». Oui, j'ai essayé de... c'est pas pour fâcher, c'est bien au contraire pour montrer que on peut faire la paix. On peut faire la paix avec soi-même, avec le monde dans lequel on vit, avec sa religion aussi, en déconstruisant toutes ces questions qui fâchent. Et j'en ai énuméré 17 à peu près, et je peux vous assurer qu'il y en a 7 qui existent au niveau du texte vraiment et qui peuvent poser problème par leur ambiguïté et leur interprétation, et que tout le reste, c'est tout simplement une interprétation humaine, juridique, qui a été sacralisée avec le temps. Comme le voile. Oui, exactement. Thank you. Je vous propose maintenant d'entendre un deuxième extrait du dernier livre d'Asma Lamrabet, Islam et femmes, les questions qui fâchent, extrait lu par Dominique Chauffat. Face à une instrumentalisation de plus en plus dangereuse du religieux sur cette question des femmes, comme pour toutes les autres questions qui fâchent, telles que la liberté de conscience, les libertés individuelles, la violence ou autres, il s'agit de convenir de l'urgence d'une autocritique et d'une réforme du religieux qui, à partir d'un travail interne à l'islam, serait capable de nous sortir de ces impasses idéologiques. Il faut offrir aux musulmans et aux musulmanes de nouvelles grilles de lecture d'un religieux transformé en une éthique, qui peut être vécu non plus comme une identité figée de résistance et de refus de l'autre, mais comme une véritable spiritualité libératrice. Autre sujet d'actualité, Asma Lamrabet. Plusieurs pays semblent s'ouvrir à la polygamie. C'est un peu étrange, hein, mais en Guinée, les députés ont adopté des articles de loi évoquant la polygamie, c'était en septembre dernier. Au Sénégal, la polygamie ne rebuterait plus les femmes instruites. J'ai un article qui est titré comme ça. Est-ce qu'il y a un retour à des pratiques qui semblent quand même d'une autre époque? Alors, je crois qu'il y a deux volets par rapport à ça. Donc, tout d'abord, prenons le volet théologique. On l'a discuté aussi dans ce colloque-là avec un théologien hier et aujourd'hui. Dans la religion de l'islam, la monogamie est la norme. La polygamie a été une permission, entre guillemets, faite parce que c'était quelque chose qui était très connu à l'époque et très pratiqué, et donc très limité, conditionné par la justice. Et puis après, le Coran parle lui-même de « vous ne serez jamais juste, donc une seule femme ». Voilà. Donc la monogamie, c'est quelque chose qui est la norme. Maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est que dans des pays comme le Sénégal, par exemple, moi, je ne peux pas me permettre de juger des femmes sénégalaises, parce que, voilà, là aussi, il faut pas faire preuve de vision un petit peu, entre guillemets, colonialiste, ni paternaliste ou maternaliste, mais essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse aujourd'hui revendiquer quelque chose qui est foncièrement discriminatoire? Moi, en tant que femme musulmane, croyante, pratiquante, je refuse et je dénonce la polygamie. Je la refuse. Et ça ne fait pas de moi une mécréante, bien au contraire. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les femmes sénégalaises pour qu'aujourd'hui, elles revendiquent ça? C'est à elles qu'il faut poser cette question-là et voir est-ce que ce n'est pas une précarité socio-économique, une certaine. C'est ça, oui, c'est pour des raisons socio-économiques. Parce que moi, j'avais rencontré des femmes sénégalaises qui me disaient, écoutez, nous, en tant que première femme, on a besoin d'autres femmes, enfin, une deuxième épouse, pour qu'elles fassent le travail, le ménage, etc. Mais je trouve ça foncièrement discriminatoire aussi par rapport aux deuxièmes femmes, ou à la troisième. Mais est-ce que j'ai le droit de porter un jugement? C'est là où mon féminisme, à moi, m'empêche de faire ce genre de choses, tout en estimant que le concept en lui-même est discriminatoire, que je le refuse, mais je n'ai pas à juger, je n'ai pas à donner de leçons à d'autres parce que je respecte les contextes et j'espère que ce débat-là, ou que ce n'est pas une imposition théologique et que c'est vraiment des conditions socio-économiques qui font qu'aujourd'hui, ces femmes-là ont besoin donc de recourir à la polygamie, mais je crois qu'il ne faut pas juger. Voilà. Asma Lamrabet, quels sont finalement encore les gros chantiers qui restent ouverts quand on parle de liberté et de droits de femmes en islam? Ah, le plus gros reste à faire. Je ne vais pas être pessimiste, mais je dirais que c'est à double tranchant. Je dirais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qu'on a pu quand même avoir. Que aujourd'hui, donc je pars toujours de mon contexte quand même au Maroc, il y a eu des avancées qu'on ne peut pas renier quand même, qui sont là. Les femmes ont le droit à l'égalité dans le divorce. Elles sont là dans tous les rangs de responsabilité politique. Elles sont présentes. Elles sont, vous savez, dans les facultés de médecine, 90% sont des femmes. Elles ont eu accès à l'enseignement, à l'éducation, etc. Mais le plus gros reste à faire, parce que je pense que tant qu'on n'a pas fait cette réforme de la pensée religieuse, nous reviendrons comme ça de façon récurrente toujours à ces problématiques. Et comme je le dis, même quand on prône une certaine émancipation, il y a sur certains sujets beaucoup de conservatisme au nom du religieux. Et donc tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, il y a beaucoup de lois qui sont très très avant-gardistes et très émancipatrices qui vont rester de côté, qui vont être marginalisées. Je prends par exemple l'exemple du mariage des mineurs au Maroc avec la réforme, l'interdiction du mariage des mineurs est très claire, aussi bien les filles que les garçons ne se marient qu'à partir de 18 ans, mais on a une recrudescence justement des mariages des mineurs, surtout touchant les filles bien sûr, qui se marient à 14 ans, 15 ans, parce que la loi a prévu une latitude pour les juges, de juger des circonstances, et c'est pas la faute des juges aussi, là aussi il faut pas juger, parce qu'on a fait un travail dernièrement justement sur ce mariage des mineurs, on a remarqué qu'il se passe surtout dans le milieu rural. Et donc le milieu rural où l'analphabétisme est très important. Et pourquoi il est important? Eh bien parce qu'il n'y a pas les infrastructures pour l'éducation. Donc vous avez des papas qui vous disent, c'est pas que je veux pas que ma fille étudie, c'est que l'école est à 50 km ou à 60 km. Et j'envoie les garçons, j'ai peur d'envoyer ma fille. Elle revient le soir et j'ai très peur pour elle parce qu'elle doit traverser la forêt. C'est vraiment la vulnérabilité, la précarité socio-économique des fois. C'est pas vraiment le patriarcat religieux, idéologique qu'on ressort souvent. Non, des fois c'est des papas vraiment très très tristes, très pauvres, qui vous disent « moi j'ai peur pour ma fille et donc la seule chose pour moi pour la protéger, c'est de la donner en mariage ». Asma Lam Rabet, vous avez parlé tout à l'heure d'une troisième voie hein, que vous essayez d'encourager, donc une relecture de l'islam qui soit plus favorable aux femmes. Est-ce que c'est facile d'articuler comme ça une parole féminine au sein d'une spiritualité, d'une religion qui a été portée jusqu'à présent en grande partie par les hommes ? C'est pas du tout facile, mais c'est pas facile aussi pour les chrétiennes et les juives. Moi, je fais beaucoup de rencontres et de dialogues interreligieux avec mes collègues qui sont ancrés dans la tradition aussi bien chrétienne que juive, et qu'on a finalement quelque chose en commun, qui est celle de la dépréciation et de la dévalorisation des femmes par, justement, les institutions religieuses masculines. Le religieux institutionnalisé, c'est toujours bâti, construit et a été monopolisé par les hommes. C'est, franchement, c'est devenu une banalité donc de l'histoire et les femmes ont toujours été marginalisées. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans l'Église. Celles qui font marcher l'Église, c'est les femmes. Et elles ne sont pas du tout dans les premiers plans. Elles sont complètement marginalisées et c'est ce qui se passe exactement avec l'islam. Voilà. Et quels sont alors peut-être les ingrédients qui permettraient d'articuler une théologie islamique féministe ? Je ne sais pas si j'utilise les bons termes. Oui, une théologie, je dirais, à partir donc d'une perspective féminine, ou même féministe, moi les concepts ne me font pas peur. Oui, mais elle est déjà en marche, elle existe, sauf qu'elle est minoritaire et qu'elle est très très invisibilisée, et je l'ai dit tout à l'heure, même par les réformistes musulmans, les grands penseurs intellectuels aujourd'hui. Et c'est ça où je trouve que le patriarcat, là encore, la dent dure, hein, parce que même au sein du réformisme, on a des penseurs très ouverts, très tolérants, et qui parlent de cette question de l'égalité homme-femme, et qui sont porteurs de cette cause-là, mais qui ne citent pas ces femmes-là, qui font ce travail-là, qui ne présentent pas d'alternative. On dit qu'il y a un problème avec l'égalité homme-femme, on dit qu'il y a un problème avec la question des femmes, mais on ne propose rien en alternative. Donc, oui, une théologie à partir d'une perspective féminine ou féministe, portée par des femmes, mais par des hommes aussi, parce qu'il ne faudrait pas être dans cette vraiment lutte stérile entre les genres. Je ne m'inscris pas là-dedans, mais je pense qu'elle est possible si on donne plus de visibilité à ces femmes-là, ces dynamiques-là qui existent depuis, je vous dis, depuis les années 70-80, elles sont là un peu parpillées dans le monde, mais qui sont très marginalisées. Et qu'est-ce qui vous réjouit peut-être particulièrement avec un colloque comme celui que vous vivez ces deux jours ici à Lyon ? C'est que en dialoguant avec, par exemple, avec des femmes qui viennent d'horizons très divers, mais surtout d'idéologies très diverses. Vous avez une franco-iranienne, une franco-tunisienne, moi-même, et qui chacune à partir de son contexte, à partir de sa façon de penser, de ses stratégies de lutte féministe, etc. Eh bien, je crois qu'on s'est mis d'accord sur le fond et sur l'objectif qui est celui de la dignité des femmes, de leur égalité, de leur émancipation, et que chacune a reconnu à l'autre le droit d'utiliser les stratégies qu'il faut, les luttes qu'il faut, c'est-à-dire une lutte sécularisée, soit une lutte de l'intérieur de la tradition elle-même ou de l'extérieur. L'essentiel, c'est de donner la parole aux femmes. Et je trouve que ces colloques-là sont très intéressants parce que ils donnent la parole aux femmes, et parce que ô combien de fois cette parole est monopolisée par les hommes, et c'est les hommes hommes qui parlent au nom des femmes, ou bien c'est les pouvoirs politiques qui parlent au nom des femmes, on va vous libérer, ou bien on va vous donner des droits, etc. Et c'est jamais le cas. Donc, c'est très bien d'avoir plus de colloques comme ça, où c'est les femmes qui parlent au nom de leur féminité, au nom des problèmes qu'elles vivent elles-mêmes et qu'elles ressentent, parce qu'elles les vivent c'est leur vécu, leur histoire, etc. Et donc, je trouve que c'est très positif. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un mouvement qui est lancé maintenant auprès des femmes musulmanes, en islam en général, qui essaye de rendre plus de dignité justement aux femmes ? Oui, je suis complètement convaincue par ça. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Alors, comment, avec qui et où, je peux pas vous dire. Parce que c'est un mouvement quand même, une dynamique qui est assez éparpillée partout. Et je crois que chaque association, chaque lutte féminine, chaque femme est en train de lutter là où elle est, dans son contexte. Avec les réseaux sociaux, il y a comme un déclic qui s'est fait, une conscience féministe et féminine qui s'est faite. Et les femmes ne se taisent plus. Elles sont en train de reprendre la parole. Et je trouve ça très très intéressant, qu'elles soient athées, agnostiques, au nom de l'islam ou d'un islam culturel ou de conviction, l'essentiel c'est de revendiquer ces valeurs de justice et d'égalité. Et c'est ça qui est très important. Donc je garde espoir, et même s'il est encore minoritaire, même si on a l'impression qu'il est minoritaire et que il y a toujours cette mouvance hégémonique, donc de cet islam vraiment patriarcal, masculin, très présent encore, oui il est très présent, mais je pense que les prémices d'un espoir féminins sont en train de se faire, et je ne pense pas qu'il y aura une marche arrière. Asma Lamrabet, donc vous travaillez les textes, enfin vous relisez, vous faites une lecture féminine des textes de la tradition musulmane. Est-ce que vous revendiquez aussi une place particulière au sein des rites, des cultes musulmans ? Sur cette question-là, et j'en ai parlé avec des femmes qui sont aujourd'hui en train d'essayer de faire ce travail-là, notamment en France, avec des mosquées féminines ou des mosquées mixtes, rien dans le texte ne l'interdit, et j'en parle dans mon livre, donc Les questions qui fâchent. Cette question de l'imamat interdite aux femmes, eh ben aujourd'hui elle fait consensus, alors que, et c'est là la grande contradiction, c'est que pendant les premiers siècles, elle n'a pas fait consensus. Bien au contraire, vous avez des anciens savants qui peuvent être très traditionnalistes et qui ont dit qu'il n'y avait aucune interdiction, que les femmes pouvaient être des imams dans la prière, bien sûr avec des degrés variables, mais donc il y avait débat par rapport à ça. Aujourd'hui, on nous sort ce consensus, non, comme je l'appelle l'épée de Damoclès, qu'on nous sort. Et donc, dès qu'on parle de ça, on nous dit c'est interdit, ça s'est jamais vu. J'ai même eu quelqu'un qui me disait c'est du folklore. Non, c'est pas vrai. C'est un droit légitime. Aujourd'hui, quand on voit comment les mosquées sont monopolisées par les hommes, comment il y a, plus que ça, on a eu une régression quand on sait que dans les mosquées du premier temps de l'islam avec le prophète, on avait des mosquées complètement mixtes. Oui, les femmes étaient à côté des hommes. C'est vrai qu'elles pouvaient faire la prière après, derrière les hommes. Mais les mosquées, c'était des espaces plus que des espaces sacrés, mais c'était des espaces de lien social et de débat politique, de débat sociopolitique, où les femmes pouvaient prendre la parole au milieu des hommes. Est-ce qu'on imagine ça dans une mosquée aujourd'hui moderne ? Jamais. Alors que l'historiographie est là, et elle nous montre des textes où les femmes prenaient la parole, poser des questions aux prophètes, poser des questions après aux califes qui sont venus après, et aujourd'hui, elles sont dans des kajibis. Vous avez des mosquées aujourd'hui dans les communautés musulmanes. Au Maroc, on a commencé à faire des espaces un peu plus grands, mais il y a 20 ans, vous n'avez même pas d'espace pour les femmes, elles étaient interdites d'accès. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il est complètement légitime pour les femmes de revendiquer l'imamat. Je ne vois aucune contradiction par rapport à ça. Rien ne l'interdit, en tout cas, ni dans les textes, ni dans la tradition. Asma Lamrabet, médecin essayiste marocaine, rencontrée dans ce colloque « Femmes, liberté et droit en islam », colloque qui s'est tenu à Lyon à la fin du mois de mars. Sur place, j'ai pu m'entretenir avec d'autres conférencières, comme aussi avec des femmes du public. Donc Fatia Benhamed, conseillère d'arrondissement à la ville de Lyon, qu'on a entendu tout à l'heure, mais aussi avec Yamina, 57 ans, assise au fond de l'auditoire et qui cherchait des réponses à des questions qu'elle se pose comme femme musulmane. Et puis, j'ai rencontré Maïmouna, une doctorante sénégalaise de 27 ans, ou encore Samia, 23 ans, qui étudie, elle, le féminisme indonésien. Bref, des femmes très différentes et qui ont fait valoir leur parole dans une émission haute fréquence que je vous invite à retrouver sur notre portail thématique rtsreligion.ch. Merci à Gilles Ozaman pour la réalisation de cette édition Babel. Merci aussi à Nicole Corpato et Nicole Fontana, nos deux attachés de production qui travaillent fidèlement en coulisses. Si vous voulez réagir à ce que vous avez entendu, nous accueillons volontiers vos commentaires sur notre répondeur, le 058 236 60 70, 058 236 60 70. Il est temps pour Babel de refermer doucement ses portes. Très belle fête des mères à vous, mesdames. Pour l'heure, je vous laisse entre les mains expertes de Jean-Pierre Amann et de Poussière d'Étoiles. Au revoir.